Oh, la prochaine émission, c'est une présentation de MMAnouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, c'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMAnouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMAnouvelle.com. Bonne émission. Bon dimanche matin tout le monde, vous nous écoutez, il est probablement pas dimanche, mais c'est pas grave, ça sera le souhait est fait pour tous vos prochains dimanches. C'est une journée importante le dimanche pour plusieurs d'entre vous, c'est peut-être votre seule journée de congé, ou bon, certains également ont le samedi, le dimanche de congé. On passe ça en famille, on se paie du bon temps, et lorsqu'on a un trou, on écoute la voix des guerriers. De quelle manière on peut écouter la voix des guerriers? Ben, l'une des façons les plus simples, c'est qu'on se rend sur MMAnouvelle.com. Une autre manière de pouvoir l'écouter, c'est... là, je suis pas très familier là, à la technologie. Frédéric, tu me corrigeras si je dis des niaiseries, mais je pense que c'est possible de downloader ça, puis de se mettre ça soit dans la voiture. Sur un iPod ou peu importe. Là, un lecteur MP3, juste à télécharger le format MP3 qui est toujours disponible là, quand j'oublie pas de le mettre. Ah, alors voyez-vous, toutes sortes de manières différentes de pouvoir nous écouter. Vous faites un petit footing, un petit jogging le matin ou dans la journée. Profitez-en. Un peu de musique, ça fait du bien à l'occasion, mais également un peu de la voix des guerriers pour se tenir au courant de ce qui se passe dans l'univers merveilleux du MMA. Dans votre bain, partout, on écoute la voix des guerriers. À la salle d'entraînement, on écoute la voix des guerriers. En allant au travail, on écoute la voix des guerriers. On travaille, on écoute la voix des guerriers partout. Eh oui. Et aujourd'hui, on vous parle de quoi? Il y aura des potins, il y aura des rumeurs, il y aura des nouvelles qui se sont concrétisées au cours des dernières journées. Il y aura quoi aussi? Il y aura la présentation de la prochaine carte du Strike Force, qui est pas très intéressante, mais quand même, il y a quelques combats qui vont qui attirent notre attention et qui méritent qu'on en parle. On vous parlera également du Ringside qui aura lieu le 30 janvier prochain au complexe sportif Claude Robillard. On vous invite d'ailleurs à aller voir l'événement, lequel il y aura quelques combattants très intéressants. On va parler de la carte tout à l'heure. Puis je vous invite également, si vous avez un peu de temps devant vous, à aller écouter quelques entrevues qu'on a faites dans les dernières journées. Certaines d'entre elles, pratiquement toutes, sont, je pense, intéressantes. Et en tous les cas, je pense que plusieurs d'entre elles vont pouvoir vous intéresser. On a discuté il y a quelque temps avec Ferid Kader. L'entrevue va sûrement être en ligne lorsque vous allez écouter cette émission aussi. Alors, des choses à apprendre avec M. Ferid Kader, c'est toujours très intéressant. On a fait plusieurs entrevues également concernant le Ringside. Alors, si vous voulez là vous mettre un peu dans le bain, puis être prêt pour l'événement du 30 janvier, moi, je vous suggère d'aller écouter ces entrevues-là qu'on a fait, soit avec Guillaume Lamarche, ça a été très intéressant avec lui, Yves Lemelin aussi, des combattants de Yannick Bergeron. Alors, on a parlé à eux, on va parler à Stéphane Pelletier un peu plus tard dans la semaine, tenez-vous au courant. On a parlé également à l'agent de Guillaume de Lorenzi, qui malheureusement ne pourra pas être de la carte, mais quand même, avec cet entretien-là, on en sait un peu plus sur la blessure, dont, on voulait pas spécifier quelle nature était la blessure. Au début de l'entrevue, nous a mentionné que c'est une blessure dans la partie supérieure du corps, mais je pense que Joël Benoît s'est échappé au cours de l'entrevue. Alors, c'est bien à l'épaule qu'il nous a mentionné. Alors, ben, il y a toutes sortes de choses à écouter sur la voix des guerriers et également pour se tenir au courant encore de manière plus... encore plus précisément, c'est sur MMAnouvelle.com que ça se passe. D'ailleurs, il y a également un entretien qu'on a fait avec Chris Boisvert. Je vous invite à aller lire ça toutes sortes de choses à discuter dans cette émission-ci qu'on va faire avec qui? Avec l'homme nouvelle lui-même, le géniteur, créateur de MMANouvelle.com et également du Paris virtuel dont on n'a pas beaucoup parlé dans les derniers temps parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'événements, mais on va en parler quand même tout à l'heure. Alors, je vous demande d'accueillir Fred, l'homme nouvelle Garcia. Bonjour Frédéric. Salut Ken, tu parlais de toutes nos entrevues cette semaine, puis justement celle avec Ferit Kader, c'était très intéressant parce qu'il vient de signer avec Bellator, là, puis c'est une grosse nouvelle pour les Français, je pense, parce que Bellator va avoir beaucoup d'attention dans cette seconde saison, puis Ferit Kader, moi, je le connais pas beaucoup en tant que combattant MMA, mais ce que j'ai vu de sur YouTube, de ses compétitions de judo et même les quelques combats que j'ai pu voir de lui, il a l'air très solide. Alors j'ai hâte de le voir lui commencer au Bellator. En plus, il va avoir Mike Ritchie, il va avoir d'autres mondes dans ce tournoi-là. Ça devrait être très intéressant. Oui, le calibre va être relevé. Bellator en seront à leur deuxième année. La première année, moi personnellement, j'étais pas trop sûr du fonctionnement. Il y avait des événements de semaine après semaine, ça devenait un peu lourd. Mais honnêtement, ça a bien fonctionné la première année, tellement que là, plusieurs autres stations de télévision se sont liées à eux. Avant, c'était présenté juste sur le poste espagnol de... Je ne sais plus de la station, là. ESPN, je pense. Et là, il y a plusieurs autres stations qui s'ouvrent à ça. Il y a beaucoup de couvertures qu'on attribue, là. On regarde ça sur différents sites électroniques. Bon, entre autres, MMA Nouvelle également. Puis, bon, les sites américains. Puis ailleurs, on vous parle du Bellator. Puis, évidemment, je pense que s'il y a un endroit dans le monde de la francophonie où vous allez être tenu au courant, ce sera chez nous. MMANouvelle.com et La Voix des Guerriers, on va vous en parler. D'ailleurs, on vous invite vraiment à aller écouter cette entrevue-là avec Ferit Kader, qui est un gars très intéressant. Puis on a hâte de voir un judoka, évidemment un expert puisqu'il a participé aux Olympiques, combattre au Bellator. Peut-être éventuellement, nous on lui souhaite de se rendre en finale. Peut-être face au Canadien Mike Ritchie qui s'entraîne avec Georges St-Pierre. Ce sont deux grosses nouvelles que l'on a apprises au cours des dernières journées. Déjà qu'on connaît deux combattants dans ce tournoi-là parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, le Bellator, ça fonctionne de manière à ce que c'est un tournoi et il y a plusieurs combats de prévus pour se rendre évidemment jusqu'à la grande finale. Et le gagnant qu'on souhaite que ce soit au moins Ferit Kader ou Mike Ritchie à 155 livres s'affronterait en finale, ce serait rêvé pour nous et peut-être disputer ensuite un combat de championnat face à celui qui a remporté le premier tournoi l'année passée, Eddie Alvarez, qui est un gars qui est classé quand même parmi le top 10 pour plusieurs médias, là. Eddie Alvarez, c'est un vrai combattant de 155 livres. Il a livré plusieurs combats, il a cherché plusieurs victoires. Il a perdu, je pense, son dernier combat qu'il a perdu, c'était face à Shinya Aoki. Il avait réussi une clé de talon là, d'enfer, mais quand même, c'est un bon combattant. Alors, ça va être un tournoi qu'on va suivre, le Bellator, et on vous invite à le suivre avec nous. Après ça, Fred, bon, évidemment, Ferid Kader, mais il s'en est passé des choses. Il n'y a pas eu beaucoup de combats à se mettre sous la dent, malheureusement. Mais côté nouvelles, il y en a une puis une autre, alors on t'écoute. Ouais, ben la semaine prochaine, comme tu disais, il va y avoir le Gala Strike Force, puis là, ils ont finalement trouvé un adversaire pour Bobby Lashley, l'ancien le lutteur professionnel, des fois combattant MMA. Il va se battre contre Wes Sims. Faut se rappeler de lui là dans la dernière saison de l'Ultimate Fighter. On l'a pas vu beaucoup. Il me semble qu'il y a eu juste un combat dans cette émission-là. Et il a aussi déjà combattu dans le passé dans l'UFC. Il a perdu deux fois, il me semble, contre Frank Mir. Ou en tout cas, une défaite assurée. Se qualifié une fois. Puis la deuxième fois, il était mis un TKO, là, que Fumir l'avait détruit debout. Et il a perdu également face au Québécois Steve Bossé, ici, dans un combat au Québec, où Steve Bossé l'avait soumis. Il a perdu un peu partout, l'ami Wes Sims, et là, probablement qu'il va perdre à nouveau, là, parce que c'est un géant, lui, là, si je me trompe pas, 6 pieds 11, et lorsque Bobby Lashley, qui lui est plus large que long, là, va probablement t'amener ça à terre, puis s'amuser avec Wes Sims. Mais par contre, Wes Sims a beaucoup d'expérience, s'entraîne avec des gars très expérimentés aussi, des ouais. Mark Colton. On le connaît aussi comme étant bien comique, alors peut-être qu'il peut sortir une bonne joke au début, faire rire Lashley, puis réussir quelque chose. Ouais, malgré que Bobby Lashley a pas l'air un gars Très non, d'après moi, lui, il est en mission. Mais honnêtement, là, je suis un peu déçu. Bobby Lashley, attend qu'on va lui donner quelqu'un de un peu plus, je dirais, là, d'un peu plus dangereux. Parce que là, je comprends bien qu'il veut, que c'est un début de carrière. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on lui mette quelqu'un de coriace. Parce que Strikeforce a semblé vouloir y mettre des adversaires dans les derniers temps. Et bon, la commission là-bas a refusé, je pense, au moins à une reprise, parce qu'elle ne jugeait pas l'adversaire d'assez haut calibre pour affronter Bobby Lashley. Alors, on peut s'apercevoir que Bobby Lashley, ça semble, ce combat-là, c'est, on dirait, plus un réchauffement qu'autre chose. Ouais, ben tu vois, moi, au début, je donnais un peu d'attention à Bobby Lashley, mais je pense que je vais commencer à en donner de moins en moins. Premièrement, parce que je pense que je sais pas si le gars il est vraiment dédié à être juste un combattant. Ben, pas à être juste un combattant MMA, mais à donner le temps qu'il faut pour être un combattant MMA, parce qu'il est encore dans la lutte professionnelle et tout. Je doute pas que c'est un excellent athlète. Puis justement, contre des gars qui sont pas vraiment des bons athlètes, ben il va trouver une façon de gagner. Mais c'est ça, on le voit pas dédier sa carrière au MMA. Alors pour le moment, moi je doute de Bobby Lashley. Parfait. Par la suite, on a passé Bobby, Farid. Au Québec, je pense qu'on n'en a pas parlé la semaine passée, ce n'était pas encore annoncé, mais là, ce serait vraiment. Ben, nous, on a parlé avec la régie également des courses et des jeux du Québec. Et ben, moi, au moment où on leur a parlé, le UFC avait deux choix, le premier ou le 8 mai prochain pour leur événement. Fred nous avait dit. Ben, probablement qu'il ne veut pas le mettre le premier parce qu'il y aurait un combat d'envergure très internationale en boxe et le UFC ne voudrait pas compétitionner avec eux. Alors là, on est fixé, je crois, que l'événement sera le 8 mai prochain. C'est bien ça, Frédéric? Oui, exactement. Puis on dirait que ça va être Lyoto Machida contre Mauricio Rua en finale. La demi-finale de la soirée, ça va être Paul Daly contre Josh Koscheck. On en avait parlé un petit peu, je pense, dans une petite émission. Quentin Rampage Jackson contre Rashad Evans, finalement, ça va se faire à l'autre UFC, à l'UFC 114, une couple de semaines plus tard, je pense que c'est le 29 mai. Et Montréal va quand même avoir sûrement une super de belle carte qui semble, peut-être Kimbo serait là. Alors, il y a d'autres combats, Patrick Côté, Jonathan Goulet du côté québécois, ça devrait être une très belle carte. Oui, puis hey, je vous invite là, avant de laisser poursuivre Fred dans sa lancée des potins, nouvelles et rumeurs, je vous invite à rester avec nous parce que à la fin du premier bloc, au début du deuxième bloc, on va annoncer les vainqueurs du concours, à savoir qui vont se mériter l'une des deux paires qu'on distribue, qu'on donne en collaboration grâce à Ringside, là, qu'on va donner à nos auditeurs et aux lecteurs des MMA Nouvelles. Ça nous a fait plaisir d'avoir cette opportunité-là, de dire merci à ceux qui nous, à ceux qui lisent Fred et MMA Nouvelles et ceux qui écoutent La Voix des Guerriers. Alors, on va mentionner les noms des vainqueurs, soit à la fin du premier bloc ou au début du deuxième, à suivre. Alors là, pour l'instant, vous êtes obligés de nous écouter pour la fin de ce bloc-ci, mais c'est pas une lourde tâche pour vous, puisque tout le monde veut entendre Fred nous dire ce qui se passe sur Planète MMA, Fred. Ouais, ben, je pense qu'il y a Kenny Florian, comme que t'aimes le dire, qui va affronter Takanori Gomi le 31 mars prochain. Ça va être un Ultimate Fight Night. Ça va être le Ultimate Fight Night qui va précéder la première émission de la 11e saison de l'Ultimate Fighter. Alors, Takanori Gomi contre Kenny Florian, c'est pas mal confirmé. Ça devrait être un bon combat, je pense. Gomi a descendu pas mal dans les yeux de bien du monde. Puis Florian, moi, je le vois pas non plus comme un des top à 155. Je le vois comme un très bon 155. Peut-être c'est juste parce que BJ Penn est trop fort, là, mais il y a d'autres mondes. Tu vois, justement, il y a Diego Sanchez qui remonte à 170. Je suis un peu déçu. J'aurais aimé ça le revoir contre Florian, parce que je pense que Sanchez aurait pu encore prendre un Kenny Florian. Mais en tout cas, Kenny Florian contre Takanori Gomi pour une chance à la ceinture de BJ Penn, sûrement, là, d'après les rumeurs. Ce serait bizarre que Kenny puisse tout de suite avoir sa Ben, chance le là. but de l'UFC, c'est surtout, je pense, que Gomi aimerait ça que Gomi s'en sorte gagnant. Moi, je pense pas que Gomi va s'en sortir gagnant, là. Je pense qu'en ce moment, Florian est à un niveau plus compétitif, si on veut. Et plus affronter des meilleurs combattants dans les dernières années. Et il a gagné plusieurs de ces combats-là. Gomi, lui, a connu quelques séquences un peu mauvaises. Alors, je sais pas. Je sais que l'UFC aimerait beaucoup ça que Gomi gagne, justement, pour l'affronter contre BJ Penn, parce qu'il y aurait un certain attrait commercial à ce combat-là. Ouais. Je vais te le dire, moi, Gomi, il m'emballe pas pantoute. Mais quand même, on va suivre ça. Puis, évidemment, peut-être que mon idée va peut-être changer après avoir vu ce combat-là. Mais pour l'instant, moi, Gomi, non, je le vois pas vraiment pas comme quelqu'un de sérieux au UFC. Là, j'ai pas l'impression qu'il va être un danger pour BJ Penn ni pour les meilleurs du UFC à 155 livres. Mais écoute, ce serait pas la première fois que je me bourre aussi. Là, ça m'arrive fréquemment. Non, tu vois, moi, je pense pas non plus. C'est ça, justement. L'UFC s'y prend peut-être quelques années trop tard avec Gomi, mais on va voir. On va lui donner sa chance. Il a déjà été un très bon combattant quand même. Alors, peut-être que c'est ce qu'il faut pour rajeunir sa carrière, là, donner un second élan, la motivation d'être à l'UFC. On va bien voir, on va lui donner une chance. Là, qu'est-ce qu'il peut faire avec tout ça? Il y a aussi là, un autre Français qui a confirmé son combat, c'est Bendy Casimir. Il va affronter Ricardo Lamas au WSC 47. On avait parlé un peu avec Bendy, là. Alors on va lui souhaiter la meilleure des chances au WSC 47. Il va faire ses débuts dans le WSC et peut-être bien pouvoir se faire un nom et avoir un autre Français sur la map qui va se faire connaître de plus en plus mondialement. Oui, assurément, et on va suivre ça évidemment avec vous, les Français, et bon, les autres francophones de la francophonie, que vous soyez en Europe, au Québec ou à l'extérieur du Québec. Peut-être que les gens du Nouveau-Brunswick, de l'Acadie, n'importe où à travers le monde, les francophones, on suit ça. Évidemment, nous, on a à cœur tous les francophones, principalement les Québécois, les Français, mais également tous autant que vous êtes ailleurs. On suit vos activités et bonne chance à Bendy Casimir qui en sera son premier combat à la WEC, mais avant... l'événement à laquelle il va participer. Je pense qu'il va y avoir un autre événement de la WEC qui a, semble-t-il, beaucoup d'ampleur et ce sera un événement très intéressant. Mais ça, on va suivre ça, ce WEC 46-là. 47. Avant lui, il y en a un autre qui va le précéder. Tu penses? Non, c'est le prochain, c'est la WEC 47, le 6 mars prochain. Ah ben, je suis complètement dans l'erreur. Juste, je suis en train de me demander, je cherchais. Mais c'est pas grave, ben, ça arrive. Ben, parle-nous de cette carte-là, il me semble que... Ben ça, c'est la carte qu'il va avoir, justement, en finale. Ça va être Brian Bowles contre Dominic Cruz pour le titre des 135 livres. Puis je sais qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui connaissent pas beaucoup la WSC, puis surtout cette division-là, je pense qu'elle est peut-être un peu moins populaire encore que 145 livres, parce que l'ancien champion, c'était Miguel Torres, lui aussi va se battre sur ce carte-là, mais Brian Bowles, c'est ça, lui, il a battu Miguel Torres, il a surpris tout le monde, et c'est un gars qui a de l'air bien silencieux, bien tranquille, alors on le connaît pas beaucoup, il affronte Dominic Cruz, lui, j'ai beaucoup aimé son dernier combat contre Joseph Benavidez, c'était un excellent combat, 3 rounds, 15 minutes à action, sans arrêt, au tempo. Puis c'est un gars très grand avec une longue portée. Alors je pense que ça devrait donner un très bon combat. Moi j'aime bien Dominic Cruz. Je vais être honnête, je connais pas assez Brian Bowles, vu que c'est le champion, il doit être favori à quelque part là-dedans. À part de ça, il y a Joseph Benavidez, justement, que je mentionnais. Lui, il va affronter l'ancien champion Miguel Torres. Ça, avec, ça va être un excellent combat. Parce que moi j'aime beaucoup Joseph Benavidez. Il mesure 5 pieds 4, je pense, puis c'est peut-être plus petit que ça. Et il est bâti comme un rocher. Il est fait fort, il y a beaucoup d'énergie aussi. Alors, ça devrait être un bon combat contre Miguel Torres, qui, lui, veut revenir sur le chemin de la victoire. Puis, il y a aussi l'ancien champion, Jens Pulver, qui va faire un retour contre... l'ancien champion de l'UFC, Jens Pulver, qui va faire un retour dans WSC contre Javier Vasquez. Je connais pas beaucoup Javier Vasquez. Tant qu'à Jens Pulver, j'aime bien... C'est un vétéran que j'aime bien voir combattre. Il amène beaucoup de cœur. Je pense que peut-être que le monde du MMA l'a dépassé puis qu'il ne redeviendra sûrement jamais un champion. Mais c'est quand même un gars que j'aime bien voir combattre, Jens Pulver. Alors, pour ceux que j'ai tout mélangé, tout le monde, là, ben c'est le prochain événement de la WEC, c'est bien... Le 6 mars. Le, le 6 mars, puis on va pouvoir voir tous les combattants que Fred a nommés et Bendy Casimir le français, entre autres. Alors, autre chose, autre nouvelle, on veut savoir ce qui se passe. Brock Lesnar, as-tu fini de se manger de l'intérieur? Il prend du mieux, on devrait le voir au courant de l'été. C'est un résumé de ce que j'ai pu lire un peu partout, mais Fred, évidemment, lui, il est vraiment au fait de la véritable nouvelle. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre ami Brock le mange-tout Lesnar? Ben, Brock a résumé ça en disant un miracle, alors on va remercier peu importe qui a fait ce miracle-là, parce que Brock Lesnar va revenir cet été. Regarde, il n'y a pas beaucoup, y a pas beaucoup, beaucoup de détails sur tout ça, là. C'était la diverticulitis, la maladie qu'il avait à son intestin, où il y avait un genre de trou. Et c'est ça s'est réglé miraculeusement avec des antibiotiques. Alors, merci à la médecine. Et Brock Lesnar devrait affronter le gagnant entre Frank Mir et Shane Carwin. Ce combat-là va quand même avoir lieu pour une ceinture le 27 mars prochain. Moi, ça me dérange pas personnellement qu'il y ait une ceinture quand même. Ça fait tellement longtemps que Brock Lesnar est pas là, puis ça donne une raison. Si le gagnant de ça affronte tout de suite Lesnar, pourquoi pas mettre une ceinture intérimaire en attendant, là? C'est peut-être un peu une ceinture cheap, mais ça va remplir le calendrier jusqu'au mois d'août qu'on devrait revoir Brock Lesnar. Oui, alors on l'attend avec impatience, notre ami Brock. Et par la suite, Fred, là, moi je suis tout ouïe, là. On va passer à Abu Dhabi, là. On va prendre un avion, aller voir là, les Émirats arabes, là, parce qu'ils devraient nous construire un stade de 10 000 places, là, extérieur, avec une genre de toile par-dessus, là, un chapiteau, je sais pas. Et l'UFC va quand même tenir son UFC 112 le 10 avril prochain à Abu Dhabi. C'était rumeur après rumeur, Las Vegas, je sais plus trop où d'autres. C'était mélangé un peu partout. Mais finalement, c'est Abu Dhabi. Deux championnats à ce gala-là aussi. Vitor Belfort contre Anderson Silva. Anderson Silva va défendre sa ceinture des 185 livres pour la première fois depuis... c'était quoi son dernier combat? C'était-tu contre Talis Leites, son dernier combat à 185 livres, je pense? Ouais. Il a fait un autre combat, c'est vrai, après, mais c'était pas 185, là, face à Forrest. Mais 185, de mémoire, là, je pense que c'est bien Talis Leites, Fred, là, à moins d'une erreur, ce qui est fort probable. Non, je pense que ça ressemble à ça. Ouais, exactement. Puis, et l'autre championnat, ça va être BJ Penn puis Frankie Edgar à 155 livres. Alors, le Sheikh des Émirats arabes, il est chanceux, là. Il va avoir deux très beaux combats de championnat pour son divertissement. Oui, tout le monde est bien heureux de voir que les tentacules du UFC là, s'en vont un peu partout. À Abu Dhabi, au Québec, un peu ailleurs au Canada, à Vancouver prochainement. Aux États-Unis, un peu partout, puis il y a même des nouvelles portes qui s'ouvrent en Australie, incessamment, là, c'est déjà fait avec Wanderlei Silva qui va être là pour affronter Bisping, en Angleterre, évidemment, au Japon, éventuellement, alors le UFC est partout. Oui, ben, là, comme tu dis, Dana White a un plan, lui, sur les 10 prochaines années, puis il va être partout. Et Dana White, lui, il s'imagine qu'il va être le plus gros sport. J'ai de la misère à voir qu'il va dépasser le soccer, mais le football. C'est impossible. Exactement, puis c'est impossible aussi avec le pay-per-view. Si jamais il veut devenir vraiment un des plus gros sports, il doit amener des réseaux de télévision, parce que le monde pourront pas... Ben, pas qu'ils pourront pas, je veux dire, ça va ralentir le nombre de monde qui vont être des vrais amateurs de UFC. Le fait qu'il faut payer 50$. Si ça serait gratuit sur NBC, ABC ou peu importe, il y aurait beaucoup plus une croissance rapide, selon moi, là. Je pense que la croissance du MMA, ça va très bien, mais là, faut pas penser que ça va devenir plus gros aux États-Unis que la NFL. Là. C'est impossible. Non, lui, c'est mondialement, je pense qu'il regarde plus. Parce que la NFL, c'est très gros aux États-Unis. Puis au Canada, on aime bien ça et tout. Mais mondialement, je pense que l'UFC peut dépasser la NFL. Peut-être pas en 10 ans, mais d'ici un certain nombre d'années, oui, je vois que l'UFC pourrait dépasser la NFL. Le seul sport que je vois pas que l'UFC peut dépasser, sûrement, c'est le soccer, d'après moi, le football européen. Je non, honnêtement, là, je sais ce que peut-être ce que tu veux dire, là, peut-être que le UFC, bon, évidemment, la NFL, dans plusieurs autres pays, bon, en Europe, c'est un petit peu moins connu, malgré que je sais qu'il y a beaucoup d'Européens qui suivent la NFL. Là, tout le monde sait que le football américain, ça se passe dans la NFL. Mais en termes de Faudrait que je fasse revenus. un sondage chez les Français, voir combien qu'il y en Entre, écoute vraiment. ouais, mais en termes de revenus, c'est impossible. Les sports d'équipe vont toujours attirer plus de monde parce que, bon, surtout des sports qui sont pratiqués par beaucoup plus de personnes que le MMA, là, Mais tu penses pas que évidemment. Puis avec c'est un les... sport beaucoup plus familial et évidemment, c'est plus facile avec des enfants, comme moi, moi-même, Dans là. 10 ans, si l'UFC continue là, à grandir comme qu'il grandit, et on va prendre John Jones là, que dans 10 ans il va être encore assez bon. Mais dans 10 ans, John Jones là, va pouvoir gagner ce que Mike Tyson gagnait dans ses meilleures années là. D'après moi, ça va grossir. Je sais pas Oui, si les mais. revenus vont être partagés d'une telle façon, mais les Ouais. revenus qui vont être générés pour un combat entre John Jones et le prochain John Jones dans 10 ans, mon fils, il s'en vient, attention, John. Ouais, ben, on regarde même la boxe, ça n'a jamais dépassé la NFL ou quoi que ce soit. C'est impossible. Ouais, non, ok, peut-être. Honnêtement, moi, avoir des jeunes enfants, un samedi soir, je ne vais pas m'installer. Puis là, ceux qui le font, vous avez bien le droit, vous connaissez plus vos enfants, là. Mais je ne m'installerai pas avec un enfant de 6-7 ans puis écouter du UFC le soir. Je t'avais d'amener mon gars là, pour débattre avec toi là, que BJ Penn, c'est un excellent combattant à 170 livres. Ouais. Alors, c'est ça, je pense que, puis, écoutez, moi j'adore le MMA, puis je suis sûr que ça va grossir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais il y a des sports qui, évidemment, sont ouverts à plus large public, et ben, les sports d'équipe, puis tout ça, en même temps, ils représentent, bon, je pense, bon, au football, tu sais, il y a des adeptes à Dallas, les Cowboys, tu sais, c'est une tradition. À Montréal, on a le Canadien au hockey, tu sais, ça dépasse le sport. C'est vraiment, c'est dans nos mœurs. Le UFC, bon, j'adore le MMA, c'est Oui, mais vraiment mon moi, pour sport moi, c'est plus préféré. justement que le UFC touche mondialement, que tandis que tous ces exemples-là, ça a plus un aspect local, je trouve. Le seul sport où ce que je pense qu'il n'y aura pas cet aspect-là local, en équipe, c'est le soccer, où ce que justement un Manchester United est vraiment populaire partout, partout. Les Cowboys puis les Canadiens, genre, peut-être, oui, il y a les Amer mais je pense pas que le hockey a un impact mondialement, ou le football américain a un impact mondialement vraiment si gros que ça, sans joke. Ben, c'est plus mon opinion à moi. Ouais, peu importe, de toute manière, que tu aies raison ou moi j'ai raison, ça change rien On dans s'en nos fout. vies quand on y pense. Ça fait que on va arrêter ça là, puis on va suivre de toute manière. D'ici 10 ans, moi puis Fred, on va sûrement être encore là à faire nos émissions pour avoir beaucoup de plaisir. Puis c'est là qu'on va pouvoir savoir qui avait raison. Mais moi, tout ce que je souhaite, c'est que le sport grandisse, qu'il y ait des sérieuses organisations qui vont pouvoir, de sérieuses organisations qui vont pouvoir compétitionner avec le UFC. Strike Force semblait bien parti. Là, leur prochain événement, moi, me déçoit. Il y a le Bellator. Au Québec, il y a diverses organisations, que ce soit MFL, Ringside. On souhaite que dans 10 ans, ils soient encore là. On souhaite peut-être que dans 10 ans, Stéphane Vigneault aura bâti sa propre organisation. Puis on va suivre ça encore avec vous. Puis nous, on espère que les combattants aient le plus d'opportunités possibles, qu'ils aient les meilleurs salaires possibles, les commanditaires soient avec eux, puis qu'ils nous offrent encore des combats aussi excitants à quels on a la chance de voir de semaine après semaine. Là, Fred, est-ce que tu es déjà vidé côté potin, nouvelles, rumeurs, ou il y a encore quelques petites nouvelles que tu veux nous transmettre? Ouais, ben on peut parler de Georges St-Pierre un petit peu là. Il y a plusieurs différentes nouvelles, je dirais, sur Georges St-Pierre. On pourrait commencer par parler que, d'après certains articles, il a pris un peu de muscle là. Puis justement, Firas Zihabi, il disait que Georges St-Pierre a jamais été aussi vite, aussi fort, aussi explosif. Alors c'est épeurant peut-être pour Dan Hardy. En tout cas, on va souhaiter bonne chance à Dan, parce que si Georges St-Pierre est encore plus fort, plus vite que d'habitude, ça peut être extrêmement extrêmement dangereux pour lui. Ouais. En même temps, il ne fallait pas s'attendre à ce que Firas dit hey, Georges, ça va pas bien, il est de moins en moins bon, il dégringole. Concernant son coach, c'est évident qu'il va toujours nous Ouais, dire non, ça. je sais, mais c'est parce que ça parlait un peu aussi de l'aspect que Georges St-Pierre est en train de prendre un peu de muscle de plus Ouais. en plus. Alors, D'ailleurs, lorsqu'on a parlé à Jonathan Chamberg, qui est son préparateur physique, il nous avait mentionné ça, que Georges St-Pierre allait gagner de la masse musculaire, puis c'était un peu dans leur programme. Alors, ben, bonne chance à Georges St-Pierre. Fera-t-il le saut à 185 ou pas? On va suivre ça. Pour l'instant, il règne à 170. Lui, ben, il n'est pas très grand quand même, Georges. 170, s'il peut maintenir ce poids-là, je pense que c'est sa catégorie. Puis à 185, ça va être une autre aventure pour lui. Et l'un des problèmes qu'il va peut-être rencontrer, ouais, rencontrer, c'est ça, ce sera peut-être qu'il aura évidemment un compère de tous les jours, Nate Marquardt, avec qui il s'entraîne chez Grace Jackson, qui va être dans la même catégorie que lui. J'ai une question pour toi. Parce que je parlais sur le site MMA Nouvelle justement de Anderson Silva, son gérant, il a laissé la porte ouverte pour un affrontement contre Georges St-Pierre, disant que si c'est ce que les amateurs veulent, oui, on est prêt à prendre ce combat-là. Et moi, je voudrais savoir, tu penses-tu que Georges St-Pierre, parce que les amateurs veulent voir ce combat-là, ça c'est officiel. Mais moi, je pense pas que Georges St-Pierre accepterait de passer avant Nate Marquardt, simplement en tant qu'ami, là. En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai de la situation. Ouais, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'on le voit, Georges, respectueux. Puis moi, Georges, je pense que c'est un gars d'équipe. Puis Georges va pas. C'est pas le genre de gars qui va vouloir affronter Nate Marquardt en haut, en aucune circonstance. Puis si Marquardt remporte son prochain combat, ben, c'est lui qui aura, je pense, le prochain combat de championnat. Est-ce que Georges va passer devant lui puis lui soutirer cette chance-là à laquelle Nate Marquardt travaille d'arrache-pied depuis nombre d'années? Non, c'est effectivement là, c'est un bon point que tu apportes là, Fred, puis je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Oui, exactement. Puis Georges St-Pierre, c'est ça aussi, là, les caméras vont le suivre comme l'UFC 94. On va avoir le droit à une grosse émission là, de promotion sur 3 semaines contre Dan Hardy. Ils vont suivre lui et Dan Hardy. J'imagine c'est pour essayer de rajouter un peu de piquant à toute cette histoire-là. Mais je pense aussi c'est peut-être ils ont choisi un bon combat. Moi, j'ai la dernière fois qu'ils avaient fait le UFC Prime Time pour l'UFC 94, j'avais adoré le concept. Dana White avait affirmé que ça y avait coûté 1 million de dollars en production, cette émission-là. Mais j'adorais le concept sur 3 semaines ou ce qui suivait et on voyait l'évolution dans l'entraînement, mais surtout dans l'aspect mental, la préparation. Comme j'ai déjà dit, moi, rendu à la 3e semaine de la dernière émission avec BJ Penn, moi j'étais convaincu que BJ Penn, mentalement, ça allait pas trop fort, là. Il avait essayé de rentrer dans la tête à Georges St-Pierre, puis ça marchait pas. Alors j'ai hâte de voir tout cet aspect-là entre Dan Hardy puis Georges St-Pierre. Je pense que c'est deux gars Dan Hardy va sûrement essayer de lancer une coupe de flèches là, verbales, mais Georges St-Pierre, il va les arrêter comme il les a toutes arrêtées dans le passé. Ah, ben c'est ce qu'on va suivre. Puis ben, c'est intéressant pour le UFC. Georges St-Pierre, c'est une belle image. Puis Dan Hardy, il a l'air d'avoir une grande gueule. Fait qu'il est charismatique aussi. Fait que c'est ses vendeurs des deux côtés. Puis le UFC, s'ils veulent faire connaître le sport à des nouveaux adeptes, il me semble que Georges St-Pierre et ses équipes, que ce soit au Tristar Gym avec Firas Zabi au Québec, à Montréal plus précisément, ou Greg Jackson, il me semble que c'est deux camps. Avec des images là où on n'a rien à redire d'eux, s'entraînent fort, puis ça a l'air, comme Jérôme Le Banner nous avait dit à parler du Tristan, ce sont des personnes saines, vraiment, et ben, effectivement, je pense que c'est une bonne manière pour le UFC pour faire découvrir ce sport-là à des nouveaux amateurs là, du MMA. Alors, je pense qu'on a fait le tour de patins nouvelles et rumeurs, à moins que Fred, là, puisse surgir de nulle part et arriver encore avec une nouvelle qui pourrait nous intéresser. Ouais, ben peut-être juste finir avec Cheick Kongo qui va affronter Paul Buentello au gala le 21 mars qui sera présenté sur la chaîne Versus. Là, je pensais au début que ça s'appellerait un Ultimate Fight Night, mais je pense pas. Je pense que ça s'appelle UFC sur Versus, ce gala-là. Alors, Cheick Kongo contre Paul Buentello. Cheick, il va avoir besoin d'une victoire, là, faut pas se mentir. Il peut pas se permettre une défaite contre Paul Buentello. Il vient de perdre deux combats de suite. Alors, c'est aussi que Buentello, c'est un gars principalement debout. Kongo se doit de montrer qu'il est supérieur à Buentello. Puis je pense qu'il devrait le faire aussi, là. J'ai toujours dit que j'aimais bien Paul Buentello, puis je l'aime bien comme combattant. Mais je dois admettre que techniquement, Cheick Kongo m'a de l'air supérieur pas mal dans tous les aspects. Ouais. Mais je pense qu'on en avait parlé dans la dernière émission, si je me trompe pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les Français en redemandent des nouvelles de Cheick Kongo. Puis pas fou de nous parler ça de nouveau. Et effectivement, je pense que Kongo devrait et doit de remporter ce combat-là. Ce sera pas facile parce que Paul Buentello, ouf, je sais pas pourquoi ça sera pas facile, honnêtement. Non, en fait, en y réfléchissant un peu, ça doit être, c'est un combat que je dois absolument gagner. Cheick Kongo. Alors là-dessus, Fred, si ça te va, on irait aller chercher un petit breuvage, puis ensuite, évidemment, petite musique pour nos auditeurs, puis on reviendrait par la suite pour mentionner les gagnants des paires de billets pour se rendre au ringside le 30 janvier prochain au complexe sportif Claude Robillard. Thank you. Ah, ben au moins aujourd'hui, vous auriez pris une bonne décision, c'est-à-dire vous écoutez, vous êtes en train d'écouter même la voix des guerriers, alors c'est pas tout perdu. Peut-être que c'est votre pire journée à vie, peut-être que votre conjoint-conjointe, ou peut-être les deux, parce que des fois, il y a comme des couples qui sont plus des couples, vous êtes à trois, en tout cas, c'est un peu bizarre, là, mais en tous les cas, peut-être que vous avez perdu votre amoureux, amoureuse, peut-être que vous avez perdu votre emploi, peut-être que vous vous êtes fait amputer un bras. Ça va peut-être très mal dans votre vie, mais il y a une chose qui va bien, c'est que vous avez encore la possibilité d'écouter la voix des guerriers. Et si vous êtes de fidèles auditeurs et lecteurs, auditeurs de la voix des guerriers, lecteurs de MMANouvelle.com, vous aviez dans les dernières journées la chance de remporter des billets. Une paire de billets pour se rendre au Ringside le 30 janvier prochain. Complexe sportif Claude Robillard à Montréal. Qui sont nos heureux gagnants? Alors, le premier gagnant est celui qui a répondu à la question que nous avions posée dans l'entrevue concernant Yves Lemelin. La question était quelle musique prévoyait notre ami Yves Lemelin d'entrer en scène pour son combat au Ringside? Et la réponse était évidemment, Fred. La réponse était Eminem de Moche. Excuse, il fallait que je retrouve l'email parce que j'ai pas une très bonne mémoire, comme tu sais, Ken. Alors, Eminem de Moche, et la réponse a été prise par Julien Beaumier-Étier. Alors, c'est celui que Fred vient de tirer au hasard complètement. Alors, félicitations à Julien. On le remercie d'être parmi les auditeurs de La Voix des Guerriers, et ça nous fait plaisir de lui offrir ça. Évidemment, la grosse équipe là ici va rejoindre notre ami Julien par courriel pour lui avertir tout ça, mais on l'invite également à écouter l'émission puis d'être concerné. On va suivre avec toi de quelle manière tu vas pouvoir prendre possession de ce prix tout à fait fantastique, n'est-ce pas, Julien? Avoir la chance d'aller voir le Ringside en billet de parterre avec une personne de ton choix, peut-être ta conjointe, peut-être une maîtresse. Oh, on laisse ça à ta discrétion. Également, l'autre gagnant de la deuxième paire et le suspense. Là, je suis convaincu, Fred, qu'il y a des millions de personnes qui nous écoutent et qui veulent savoir est-ce que c'est moi qui ai remporté. Oh, Fred! On va mettre la main là pour tirer parmi la taille de billets, évidemment, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Qui a remporté ça, Fred, la deuxième paire de billets? Évidemment, la question, parce que c'était au sujet de la deuxième entrevue, la question était, quelle était cette question dont c'était à propos, évidemment, de Guillaume Lamarche, qui lui aussi va combattre au Ringside le 30 janvier prochain. La question était, quel adversaire aimerait affronter Guillaume Lamarche dans son prochain combat qui devrait avoir lieu au mois d'avril? La réponse était, bien évidemment, Monsieur Michel Gagnon, Mitch Gagnon. Et qui se mérite ce prix de la paire de billets pour le Ringside, Fred? Un monsieur qui s'appelle Pascal Arsenault. Oui, c'est Pascal. Bravo, Pascal. C'est bien un homme. Oui, il y a pas. Oui, ça a l'air. Oui, Pascal Arsenault. Je veux pas insulter personne, monsieur. Alors, merci à tous les deux et félicitations. On vous souhaite d'avoir une belle soirée. Et on remercie à tous les nombreux auditeurs qui ont participé en grand nombre. Et encore une fois, je répète, on va communiquer avec vous par courrier électronique afin de vous faire en sorte de suivre la démarche à faire pour se rendre au Ringside et évidemment avoir accès à vos billets, messieurs. Alors, puis on vous invite également, si vous avez l'opportunité, de nous écrire peut-être à savoir comment ça sera déroulé votre soirée, si vous avez apprécié ou pas. Soyez pas gênés. Si vous n'avez pas apprécié l'événement, vous pourriez on vous invite à nous le dire aussi. On veut vraiment savoir comment s'est déroulé cette soirée-là qui se passe le 30 janvier prochain. Alors ça, c'était pour les paires de billets pour le Ringside. Maintenant, on va en parler du Gala Ringside dans quelques instants. Mais avant, on va parler d'un autre événement qui va se passer même jour, mais cette fois-ci aux États-Unis d'Amérique. Alors que le Strike Force revient pas en force nécessairement, ce sera un événement, je trouve, plutôt timide, à laquelle il n'y a pas, c'est pas une carte très relevée, mais quand même quelques combats qui sauront vous intéresser. Alors, on fait le tour de la carte avec Frédéric, l'homme nouvelle Garcia. Pour vous rappeler, avant que l'événement ait lieu, bon, je l'ai dit, je le redis, le 30 janvier prochain, ça se passe en Floride. Et commençons par le combat d'importance, le combat principal qui oppose le garçon de César Gracie, celui qui s'entraîne avec le camp Gracie, et à l'instar de son frère Nate Diaz, également Jake Shields et de l'autre champion des 155 livres, Gilbert Melendez. Il s'agit de Nick Diaz qui affronte un nouveau venu en Amérique. En tout cas, je ne crois pas qu'il a combattu en Amérique. On l'a vu à quelques occasions au Japon et dans d'autres organisations plus ou moins connues. Il s'appelle Marius Zaromskis. On nous dit grand bien de lui. Fred, qu'est-ce que tu penses de cet affrontement-là entre le jeune, parce qu'il n'a pas beaucoup, beaucoup d'expérience, mais il a quand même 29 ans. Et là, je parle de Marius Zaromskis, le Lituanien, qui affronte Nick Diaz, qui est, relativement jeune encore, mais qui est très expérimenté, qui a affronté les meilleurs de sa profession depuis nombre d'années, que ce soit au UFC ou également dans d'autres organisations. Ouais, ben tu vois, c'est peut-être pas le combat que... Moi, je suis un grand amateur de Nick Diaz, puis je pense que c'est peut-être pas le combat qui me génère le plus d'attention, mais c'est simplement parce que je connais pas beaucoup Zaromskis. Ce que je vois de Zaromskis, il m'a l'air excellent, principalement debout, tout ça. Alors, ça peut donner un excellent combat. C'est juste que je le connais pas assez pour me générer, moi, tu sais, l'intérêt habituel, si tu veux. Mais c'est sûr, j'ai hâte de voir ce combat-là. Nick Diaz, moi, j'adore l'agressivité, l'intensité que Nick Diaz amène. Je sais que c'est pas le meilleur combattant du monde, mais il y a un style dans la cage, puis aussi pour promouvoir le combat et tout, que je trouve il amène de l'intérêt. Alors moi, j'aime ça suivre Nick Diaz. Je pense qu'il devrait gagner contre Zaromskis, mais comme je dis, je connais pas assez Zaromskis pour me lancer sur une prédiction assurée à 100%, là, mais je vais y aller avec Nick Diaz, peut-être par soumission, vu que Zaromskis semble peut-être pas avoir le meilleur jeu au sol, mais encore une fois, je le connais pas assez pour vraiment juger tout ça. 13-3, c'est l'affiche de Zaromskis. 11 de ses 13 victoires acquises par knockout, une autre par soumission et seulement qu'un combat qui s'est rendu à la décision. Ses 3 défaites par knockout également. Dans ses dernières prestations au Japon, il a détruit ses 3 derniers adversaires par KO grâce à des coups de patte d'en face de ses adversaires. Alors, il faut surveiller les jambes de Zaromskis qui pourraient causer bien des grabuges. On a vu un Nick Diaz décontracté aimant à échanger debout dans ses derniers combats pour le Strike Force notamment. Mais là, je pense peut-être qu'il va être un peu plus, je dirais, gêné debout Diaz parce que Zaromskis démontre des qualités indéniables pour ceux qui ont vu ses derniers combats, évidemment. Une jambe rapide et également précise. Parmi ses 3 défaites, à 2 reprises, c'était face au Britannique Che Mills et à une autre occasion, face à un gars que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Ricardas Jansevicius. Ah, que ça m'a fait plaisir de prononcer ce nom. Puis Nick Diaz, vous le connaissez, a affronté parmi les meilleurs de la division, a affronté des gars de partout. Nick Diaz n'a jamais eu l'air fou. C'est un vrai combattant de MMA, au sol, évidemment, dangereux, debout, une boxe très efficace, décontractée, fluide, peut donner beaucoup de coups dans un round, cardio correct, résistance physique également, tout est impeccable dans son corps. Je vais reprendre ça, je vais dire un excellent cardio, parce que simplement qu'il court aussi des triathlons, Nick Diaz, faut pas oublier. Il faut pas oublier, effectivement, il court des triathlons. Oh! Alors, c'est un combat qui est intéressant. On y va chacun de nos prédictions. Bon, Fred est déjà allé avec Nick Diaz, mais ça, personne n'est surpris. Et c'est difficile d'y aller à l'encontre de Nick Diaz, plus expérimenté que Zaromskis. Mais attention, Zaromskis pourrait causer une surprise. J'ai lu à quelques endroits, puis moi non plus, Zaromskis, je l'ai pas vu à de multiples reprises. Mais dans ses derniers combats, il a bien fait. Et j'ai lu quelques personnes qui voient beaucoup de bonnes choses en Zaromskis. Alors, ce serait un combat quand même intéressant comme combat principal. C'est le reste de la carte qui est un peu moins intéressant. Bon, il y a le combat quand même féminin entre Christian Santos et Marlowe Conan. Alors encore là, je ne connais pas Marlowe Conan. Je sais qu'elle a failli venir déjà au Québec pour affronter Christian Santos. Malheureusement, le combat avait été annulé. Santos, je pense, était blessé, puis d'autant plus elle avait signé pour le Strike Force. Parce que le combat s'est jamais déroulé au Québec. Là, il va se dérouler en Floride pour la grosse organisation qu'est le Strike Force. Pour le titre, évidemment, que Santos est allé chercher dans son dernier combat face à Gina Carano. Alors, évidemment, Santos, là, debout, c'est une machine, elle peut faire très mal. Marlowe Conan, quelle jolie dame. Par contre, là-dessus, là. Oui, non, complètement d'accord avec toi, Ken. Une très jolie femme, Marlowe Conan. J'espère qu'elle va rester jolie après son combat parce que Chris Santos, elle, c'est une machine. Elle va sortir son Muay Thai, elle va sortir ses beaux coups. Là, je trouve qu'elle a une belle boxe aussi, Chris Santos, quand même. Elle connecte souvent. Non, je vois pas. On va voir Marlowe Conan, comme tu dis, moi non plus, je la connais pas. Moi, j'ai un intérêt pour le MMA féminin. Je suis prêt à donner la chance aux femmes. C'est sûr, je vais toujours préférer les combats d'hommes, mais je suis prêt à leur donner la chance. La seule chose en ce moment, je pense que peut-être Chris Santos est à un niveau tellement supérieur qu'on n'aura peut-être pas souvent des combats très compétitifs, mais on va voir. Faut donner la chance à Marlowe Conan, qui est supposé d'avoir un bon jiu-jitsu, alors une soumission de nulle part qui pourrait être sortie, on sait jamais. Oui, alors un combat quand même, moi, qui m'intéresse parce que Santos est agressive, alors on est persuadé qu'il va y avoir de l'action. Peut-être pas pendant longtemps, mais il va y en avoir. Le combat qui m'intéresse, moi surtout, c'est Melvin Manneff face à Robbie Lawler. Lawler aime échanger debout dans ses derniers combats, a eu du succès en échangeant debout. Pas contre Jake Shields, évidemment, parce que Shields l'a pris en guillotine. Ça n'a pas été long, mais là, ça risque pas d'arriver face à Melvin Manneff, qui, lui, aime échanger des bombes. Et côté bombes, là, pieds et poings, Manneff est gâté. Et ça pourrait faire très mal. Lawler aime échanger debout. Il l'a fait face à Scott Smith dans ses deux combats. Face à Mourinho Roy également. Il l'a fait dans plusieurs de ses combats. Mais je pense que là, c'est pas dans son intérêt à vouloir échanger debout et rester debout face à un cogneur dangereux qu'est Melvin Manneff. 18-5, ça, c'est l'affiche de Robbie Lawler, qui est encore tout jeune, mais il a débuté à un âge là, très précoce au UFC. A eu plus ou moins de succès, il est allé chercher des beaux combats, il avait perdu une fois face à Nick Diaz, là, où Diaz l'avait surpris avec un crochet, je pense, en tout cas. C'était une victoire de Nick Diaz. Et là, Robbie Lawler affronte un cogneur, vraiment là, parmi les cogneurs les plus forts en MMA, Melvin Manneff. Qui remporte ce combat-là? Moi, je vous le dis, c'est la première prédiction de l'année signée Gisèle, ma voyante. Je l'ai consultée et elle me l'a bien dit. Victoire. Melvin Manneff par KO. Oh, une grosse prédiction sur un négligé. Ça va être intéressant à voir ça. Moi, je vais y aller avec Robbie Lawler, que j'aime bien Robbie Lawler comme combattant, mais je pense que tu l'as bien décrit, c'est parce que il a commencé jeune dans l'UFC. J'ai vu pas mal sa carrière se développer. Je suis déçu que dans les deux dernières années, il a pas été assez actif. Alors, Robbie Lawler, c'est un gars que j'ai toujours bien aimé. Il s'entraîne avec Matthews, tout ça. Il a des bonnes mains. Je sais pas, c'est un style que j'aime regarder. Et Melvin Manneff debout, ça va être excellent, c'est sûr. On va voir si Robbie Lawler peut l'amener au sol, faire du ground and pound peut-être. En tout cas, tout court, c'est un combat que, comme tu as déclaré au début, c'est peut-être celui-là, point de vue marketing, qu'on connaît le plus, les deux combattants, moi aussi. Et oui, j'ai beaucoup d'intérêt pour ce combat-là. Puis moi, je vais y aller avec Robbie Lawler par KO. Oh! 15 de ses 18 victoires acquises par KO du côté de Robbie Lawler. Alors lui aussi, il y a des mains qui peuvent être lourdes. Il frappe, puis il n'a pas peur d'échanger debout. Mais là, face à Manneff, c'est pas la même chose. Manneff frappe terriblement lourd. Il a plusieurs victoires. Presque toutes ses victoires ont été acquises par KO en MMA. 23 de ses 24 victoires par KO, Melvin Manneff. Alors, statistiquement parlant, on peut presque vous assurer qu'il y en a un qui va tomber. Alors, du côté de Fred, il pense que c'est Manneff. Et moi, je dis, ce sera Robbie Lawler qui va perdre dans l'échange coup pour coup parce que Melvin Manneff, il frappe comme un malade. Alors, ce sera un combat quand même intéressant, celui-là. Et on vous invite à le suivre et on vous invite à aller sur mmanouvelle.com et à aller parier quelques crédit virtuel, c'est tout à fait gratuit. Il vous faut seulement que vous inscrire sur le forum, qui est tout à fait gratuit aussi. Et par la suite, beaucoup de plaisir en perspective, des combats à laquelle vous pouvez miser. Il y aura Nick Diaz face à Zarum, Skis Santos face à Conan, et Lawler face à Maneuf, et tout bientôt également, quelques combats à propos du UFC 109 qui aura lieu le 6 février prochain également. Alors, c'est un 6 février qui va être occupé. Il y a des combats un peu partout à travers la planète. On poursuit avec le reste de la carte de Strike Force, un peu moins intéressante. Herschel Walker, l'ancien joueur de la NFL, quadragénaire, milieu 40, de la quarantaine même. Qu'est-ce qu'il va faire là? On ne le sait pas. Il va affronter Greg Nagy. Alors, Greg Nagy, qui est probablement un charmant monsieur. Là, je vois qu'il mesure 6 pieds et 3, autour de 215 livres. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là, l'ami Nagy? Là, une victoire, un combat, de ce que je peux voir, face à Robert Principato. Alors, on ne sait pas c'est qui. Honnêtement, là, c'est pas un combat qui m'intéresse tellement pas. Mais il y a Herschel Walker qui va être là. Peut-être c'est la seule curiosité qu'on peut avoir. Peut-être comme ceux qui avaient la curiosité de voir ce que Jose Canseco allait faire au Japon face au géant Hangman Choi. Bon, on a vu ce que ça a donné. Là. Canseco a eu l'air complètement ridicule. Mais là, bon, Herschel Walker est opposé à un gars qui semble pas non plus être un vétéran en MMA. Alors, c'est un combat par rapport. Honnêtement, moi, on aurait mis ça en sous-carte. OK, j'aurais peut-être compris, mais là, on nous présente une carte principale, puis il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais, ben regarde, je suis d'accord que Herschel Walker... Moi, mon plus gros problème, c'est qu'il y a deux combats que j'aime pas sur cette carte-là. Alors, s'il y en aurait juste un des deux, je pourrais l'accepter, là. Le fait qu'Herschel Walker se batte, ça me dérange pas plus que ça, je l'ai souvent dit. C'est surtout que deux combats, celui-là puis celui de Bobby Lashley, je trouve que ça descend tellement la qualité de la carte si on regarde le total, là, si on fait une moyenne pour se décider de donner une note à ce qu'on va voir. Ces deux combats-là descendent beaucoup la qualité de la soirée. Alors, Herschel Walker contre Greg Nagy, que je connais absolument pas. Je vais y aller, si on veut, avec une prédiction. Herschel Walker par décision. Tiens. C'est parce que Greg Nagy m'a pas l'air d'être un vrai combattant non plus. Là. Je ne sais pas. Je le connais pas plus que ça non plus. Ouais, ben c'est ça. Puis bon, parlons de Bobby Lashley qui affronte Wes Sims. On en a déjà parlé en début d'émission. Alors, que dire de plus, Fred? Je sais pas, là, si tu... Bobby Lashley par TKO au sol, là, il va amener Wessim, il va lui donner 2-3 claques, il va arrêter de sourire, puis l'arbitre va l'arrêter. Ouais, bon ben, on s'entend là-dessus, et c'est tout, ou pratiquement tout, sinon on va vous parler d'un autre combat avec un expérimenté Jay Heron, qui a déjà affronté Georges St-Pierre. Georges St-Pierre te l'avait secoué d'un bord puis de l'autre, là, à grands coups de pattes puis de poing, mais reste-t-il quand même que c'est un bon lutteur, Jay Heron. Et là, il affronte Joe Reed, qui nous avait quand même intéressé dans son combat face à Phil Baroni. Par la suite, il y a eu quelques petits problèmes au niveau personnel, et là, on va le revoir face à Jay Heron. Ça, c'est un combat pas pire. C'est un combat, je pense qu'il aurait mérité d'être sur la carte principale à la place de Herschel Walker et même de Bobby Lashley. Oui, excellent combat. On va voir. Le gagnant devrait peut-être affronter Nick Diaz. Que ça soit. Ben, si Nick Diaz gagne, bien sûr. J'ai déjà vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais c'est ça. Le gagnant de Joe Riggs contre Jay Iron pourrait affronter Nick Diaz, d'après moi, parce que Jay Iron était supposé affronter Diaz. Le combat a été cancellé. Joe Riggs a déjà battu Nick Diaz. Alors, c'est un combat que Strikeforce pourrait sûrement générer un peu d'attention si jamais Nick Diaz devient champion de leur division des 170 livres. Parce que le combat avec Zarum Skis, c'est pour une ceinture. C'est pour couronner un champion Strikeforce à 170 livres. Alors, ça va être intéressant de voir. Strikeforce, qui n'a peut-être pas la meilleure carte, au moins continue à faire une progression. Au mois d'avril, on devrait avoir le droit à de meilleurs combats. Et aussi, on n'a pas mentionné, mais il y a Karl Amoussou qui va combattre. Là, tantôt qu'on parlait des rumeurs, je viens de remarquer, on n'est pas correct, hein, on est méchant. On l'a échappé, celle-là. D'ailleurs, on a fait une entrevue également avec son frère, Bertrand Amoussou. Très intéressante, l'entretien, M. Amoussou, vraiment. Là, je vous invite, là, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter encore, Si vous avez un peu de temps, là, allez voir l'entretien qu'on a eu avec Bertrand Moussou. Ce fut très intéressant. Et bon, ben Fred là, nous l'apprend. Karl Amoussou va combattre en Amérique au Strike Force. On sait qu'il a signé une entente avec l'organisation japonaise Dream, mais ça lui permet quand même d'avoir une certaine liberté. Là, on va le voir. Là, tu m'avais dit, je pense que c'est le combat principal face à Trevor Prangley. Oui, exactement. Ça va être la finale de la soirée. Puis ça montre que Strike Force voit beaucoup de potentiel, sûrement dans Karl Amoussou, parce que même si c'est juste un Strike Force Challenger, le fait de le mettre comme combat principal, c'est avec lui qu'ils vont vendre la soirée et tout. Alors j'imagine que Strike Force voit un beau potentiel dans le français. Et ils sont sûrement pas tout seuls. Il y a beaucoup de monde qui voit justement un beau potentiel. Son frère nous en parlait. Puis moi je vois aussi les quelques combats d'Amoussou que j'ai vus. J'aime bien comment il combat. Il semble très agressif. C'est un combattant explosif, intéressant à voir dans la cage. Alors, on va y souhaiter la meilleure des chances à lui aussi. Yes, alors ça fait le tour pour le Strike Force. Maintenant, revenons ici au Québec, puisque le 30 janvier prochain, ce sera le temps pour Ringside de présenter un nouvel événement. On est au complexe sportif Claude Robillard et le combat principal. Mais là, avant, il faut dire que bon, la carte au départ proposait trois combats, je dirais, principaux, avec trois jeunes athlètes de la scène provinciale, Mike Ritchie, Guillaume DeLorenzi, Derek Gauthier. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Mike Ritchie a signé pour Bellator et il ne pourra pas effectuer son combat pour le ringside. Première perte. Deuxième perte, Guillaume DeLorenzi blessé à l'épaule. Oh, et il nous reste Derek Gauthier quand même. C'est malheureux parce que, bon, Guillaume DeLorenzi, c'est un combattant fort prometteur. On va le revoir là, très bientôt. On a hâte de le revoir. Mais bon, on ne pourra pas le voir pour cette occasion-là, mais il y a quand même quelques autres combats intéressants et on va vous en faire part. D'abord, commençons par le combat principal. Derek Gauthier, désormais du TriStar et de l'équipe de Fira Zahabi, anciennement de BTT Canada. Derek Gauthier va représenter le Québec dans un affrontement face à Tyler Jackson de Revolution MMA à Vancouver. Encore une fois, bon, Derek Gauthier, tout jeune, a seulement que cinq combats professionnels, il les a tous remportés. Alors, cinq belles victoires pour Derek Gauthier. Dans son dernier combat, je pense Derek Gauthier, ça s'est rendu relativement assez loin au troisième round, si je ne m'abuse, effectivement, à mi-chemin au troisième engagement. Medrano a réussi, ça c'était son adversaire dans son dernier combat, a réussi à le frapper à quelques occasions. Et Gauthier a démontré quand même qu'il était en mesure d'encaisser. Il a cinq belles victoires, trois par TKO, deux par soumission. Il s'est jamais rendu à la décision. La fois où il s'est rendu le plus loin dans un combat, c'était face à Mike Medrano, son dernier adversaire. Sinon, tous ses combats s'étaient terminés avant la fin du premier engagement. Alors, on voit quand même il y a une évolution avec Derek Gauthier, un gars quand même polyvalent, il fait bien au sol. Je pense face à Mike Medrano, a peut-être démontré quelques facettes de son jeu qu'il se devait de polir. Et là, il affronte Tyler Jackson. C'est pas Wayne Gretzky, là, Tyler Jackson. Il a une fiche de 8 victoires, 6 défaites, un combat nul. Alors, un combattant quand même qui a beaucoup d'expérience et a affronté de bons combattants. Oh, il les a pas vaincus la plupart du temps. D'ailleurs, il est sur une mauvaise lancée de trois défaites consécutives, dont une défaite en 2007 face à Martin Grandmont, qui est un expert, bon, surtout debout. Face à Jeff Harrison également, qui aime échanger debout, Jackson avait perdu. Nathan Gunn, je me souviens plus trop c'est qui, c'était une décision partagée. Alors, bon, sinon, il a remporté une victoire face à Donald Ouimet, mais Ouimet, le Québécois, s'était blessé à ce moment-là. Ça, c'était en 2006. Il a affronté d'autres Québécois et Canadiens, dont Sam Stout, un combat qu'il a étiré jusqu'à la limite. C'était en 2005. Alors, évidemment, là, Sam Stout était encore tout jeune. Alors, beaucoup d'expérience du côté de Tyler Jackson, mais quand même, c'est un adversaire qui est à la portée de Derek Gauthier. S'il se devait de perdre ce combat-là, ce serait une grande déception. Mais on voit quand même que ce n'est pas un combattant qui va être facile pour Derek Gauthier. Encore une fois, il va devoir puiser dans son talent, puis vraiment nous démontrer toute la gamme de son jeu. Alors, un combat principal intéressant quand même, mais ce n'est pas un combat où Derek Gauthier, je pense, pourrait perdre. C'est un adversaire vraiment à sa portée. Par la suite, je poursuis avec Guillaume Lamarche qui s'entraîne avec Yannick Bergeron à Drummondville. D'ailleurs, on a fait une entrevue avec lui, La Voix des Guerriers. On a reçu Guillaume Lamarche avec qui on a eu beaucoup de plaisir. Et il va affronter Randy Stanky, un peu un gars qui a une fiche sensiblement similaire à celle de Guillaume Lamarche. Lamarche a des défaites, mais face à des gars quand même de très haut calibre. Puis il est revenu de belle façon depuis Guillaume Lamarche. Il semble prêt pour cet affrontement-là. Et là, je continue un peu plus rapidement. Bon, il y a un combat qui s'est rajouté entre Martin Grandmont, qui également, le 27 février, devrait affronter le Français Sébastien Garguier. Alors, on souhaite avant ça que ça se déroule bien pour lui dans ce combat qui va l'opposer à Kurt Sutton. Alors, Martin Grandmont qui s'entraîne avec Firas Zabi. Et encore une fois, il est de retour avec Yannick Bergeron. C'était quitté pour une courte période, les deux. Mais là, ils sont de retour et à travailler ensemble. On a bien hâte de voir ce que va pouvoir faire Martin Grandmont, qui a déjà affronté des gars comme Sam Stout dans le passé, qui est un gars comme plusieurs gars de Yannick Bergeron, qui est très bon pour échanger debout en pied et en poing. Chris Boisvert, aussi du Collège Bergeron de Drummondville, aura droit à son combat revanche face à Kevin Morin. Très attendu ce combat-là. Kevin Morin, lui, s'entraîne à Victoriaville avec Steve Claveau de Team Légion. Et il y a toujours eu une rivalité entre les deux clans. Dans le passé, il y a eu déjà eu beaucoup d'animosité entre les deux clans. Là, je pense que ça s'est calmé. C'est beaucoup plus sportif. C'est surtout sportif, leur rivalité. Et ça, c'est intéressant. Leur premier combat s'était soldé par une victoire, mais controversée, de Kevin Morin, puisque Jerry Bolin a fait un Bolin de lui-même et avait commis, je pense, une erreur de jugement à laquelle il avait disqualifié Boisvert pour un coup illégal qui, bon, l'était probablement pas illégal, et puis même si ça l'était, ça méritait pas, c'était pas volontaire, et Morin avait pas été blessé. Ça méritait peut-être d'enlever un point ou juste d'arrêter le combat momentanément, mais ça n'a pas été le cas. On a disqualifié Boisvert, puis là, je pense que des deux côtés, les deux clans, on s'entend pour dire que c'était une autre mauvaise décision de Jerry Bolin. Il va falloir que je trouve un effet sonore à rajouter à chaque fois que tu mentionnes Jerry Bolin. Alors, ça va agrémenter notre émission. Ça va rajouter un esprit, un peu d'humour au moment du dimanche matin. Ben avant ça, moi je pense que Jerry Bolin pourra pas faire Bolin de lui-même dans ce combat-là, puisque bon, je suis assez convaincu que la régie ne commettra pas l'erreur de remettre Jerry Bolin dans un combat entre les deux gaillards une fois de plus. Et ça, c'est un combat qui est intéressant entre Morin puis Boisvert. Honnêtement, c'est deux jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Morin revient d'une défaite parce que depuis sa victoire sur Boisvert, il a disputé un autre combat face à Stéphane Chrétien, qui se devait d'être sur la carte, mais bon, finalement, il ne le sera pas. Et Stéphane Chrétien, c'est un judoka qui est quand même mature physiquement et beaucoup plus vieux que Morin. Et Morin avait bien fait, avait perdu, mais avait quand même bien fait. Alors, ce sera un bon combat entre Chris Boisvert et Kevin Morin. Rory McDonald, de Team Jocelyn en Ontario, affronte Yves Lemelin, un autre à qui on a parlé, qui s'entraîne également avec le Collège Bergeron. Alors, un autre qui aime échanger debout, on a hâte de voir ça. Yann Pellerin devrait faire partie de cette carte-là. Yann Pellerin, on a vu dans son dernier combat face à Steve Bossé, s'était blessé au tendon d'Achille là, rapidement dans le combat. Alors évidemment, on n'avait pas eu le droit à un bon spectacle, mais on n'a toujours pas d'adversaire pour lui. Alors Fred, est-ce que tu es intéressé? Allô, non, Fred va s'absenter pour un combat face à Yann Pellerin. Oui, Fred. Ah, excuse, parce qu'il y a eu un petit bug, ça, comme tu redoublais le son. Désolé, j'ai pas exactement compris qu'est-ce que t'as dit. Ah, ben c'est pas grave, c'était pas rien d'intéressant. Ben je vais revenir pour voir si... je vais juste vous dire que Yann Pellerin devrait faire partie de la carte également, mais on n'a pas encore d'adversaire pour lui. Stéphane Pelletier de l'Abitibi, le seul combattant de Juvaldo qui va être présent pour l'événement, et affronte François Haché Lacombe de BTT Canada. Ce sera également un bon combat. Deux très jeunes. François Haché Lacombe, on s'entraîne chez BTT Canada avec Fabio Holanda. Alors au sol, pas piqué des verres. Stéphane Pelletier, je l'ai vu à quelques reprises dans des combats amateurs. Également, lui a fait du judo avec le club Juvaldo. Puis au sol, il n'est pas méchant, mais loin de là. François Haché Lacombe a également une bonne boxe. Ça va être un bon combat entre deux jeunes. Daniel Boissonneau, ça c'est un combat qui vient de se rajouter. De Team Légion également affronte Robert Kuman-Birnacki, qui est un combattant de Toronto, Matt Northcutt. Je ne connais pas, honnêtement. Affronte Alex Garcia, de Firazabi. Attention, Alex Garcia, je l'ai vu qu'une seule fois. C'était au dernier MFL. Le gars-là, il y a quelque chose en lui qui nous dit qu'il peut faire mal. Alors, faut pas manquer ce combat-là. Arriver vraiment pour voir tous les combats, parce que parfois, il y a des noms qu'on connaît pas, mais ça peut être des combats quand même qui peuvent vous étonner. Puis, dites-vous que tous les combattants, même Georges St-Pierre, ont fait partie des fois de la sous-carte. Alors, il y a vraiment aucun combat à manquer. Moi, je trouve ça bizarre lorsque les gens arrivent, là, on voit ça au UFC. Des fois, les gens manquent les premiers combats puis se présentent juste pour les derniers. Quelque chose que je comprends pas là-dessus. D'autant plus que les billets sont ultra dispendieux là, pour le UFC. Là. Alors, manquez pas les combats. Puis il y a des jeunes qui donnent, qui vont s'arracher le cœur lors de cet événement-là. Allez les encourager, puis respectez-les pour ce qu'ils vont tenter de vous offrir. Puis je vous parle du dernier combat entre Jeff Doyle et Misha Cirkunov. Alors, on vous invite pour suivre tout ce qui va se dérouler à propos de Ringside, à suivre La Voix des Guerriers et surtout MMAnouvelle.com au cours de la semaine s'il y a des changements, parce que bon, malheureusement, les blessures font partie de ce sport-là. S'il y a des combats qui se rajoutent, on va probablement en connaître davantage sur le nom de l'adversaire de Yann Pellerin. Alors, on suit ça sur MMAnouvelle.com, et pour les gens qui sont toujours intéressés, il y a toujours des billets disponibles pour l'événement Ringside le 30 janvier prochain. Et bonne chance, plutôt pas bonne chance, mais on espère que vous allez avoir un bon spectacle. Et félicitations encore aux deux personnes qui ont gagné des billets, à qui on les a offerts tout à l'heure. Et on espère que vous allez nous donner un feedback, là, vos commentaires sur la soirée que vous allez avoir passée. Alors ça conclut pour le Ringside. On a fait le tour également de l'autre événement, le Strike Force, et ça conclut pour l'émission. La semaine prochaine, évidemment, le UFC revient. Moi, j'ai hâte. Fred aussi, je pense. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de gros événements. Le Strike Force, c'est une grosse organisation, mais honnêtement, cette carte-là, elle ne m'enchante pas. Alors, la semaine prochaine, on aura les résultats et du Strike Force et évidemment du Ringside. Et on va vous parler de l'événement du UFC 109 à laquelle il y a plusieurs vétérans qui vont s'affronter. Puis il y a plusieurs autres combats très intéressants. Alors, une autre émission n'a pas manqué. D'ici là, vous suivez les nouvelles concernant le MMA sur MMAnouvelle.com et également La Voix des Guerriers. On va tenter de vous réaliser quelques entrevues qui, on l'espère, sauront vous plaire. Vous avez des commentaires, des suggestions, des plaintes, des lamentations, peu importe. Vous faites ça sur Radio à Commercial MMAnouvelle.com. Bonne journée à tous, et Fred, l'homme nouvelle, merci à toi. Merci à toi, Ken, comme d'habitude.